silence, la mélodie grise berce d'étranges accords, résonance extraterrestre. La harpiste en colère frappe les cordes, leur douceur irritée se lamente. Les sons percent d'une autre dimension, d'estoque et de taille, à vaux et à dièse. Diachronique gague subvertie. Ce tranquille trio de jantes d'âmes joue à contre-tempo. La musique renversée en miroir dans l'eau douce et ondoyante des ruisselantes disharmonies de la harpe et du viol. Un brin de mélodie repris ici et là, dans l'esprit, le mirage de revivre l'espace transmué en temps. Tous les paysages abandonnent la mémoire pour accourir à l'appel nostalgique d'une mélodie grinçante. Corps immobiles, muscles détendus, flotte le parfum des promenades par les chemins à peine tracés qui attendent la nouveauté de plantes inconnues, semences apportées, prophéties d'un monde nomade ou langage universel, dissonances surmontées, délire de transmissions impossibles, un soir d'écoute, un soir de silence. Musique atonale au pouvoir secret. Ce sont des bruits de feuilles, le rythme doux du grand navire dans la nuit triste du nord, les pas hésitants, les souffles entrecroisés. Enfin reconstituer chaque bribe d'une divinité disloquée, d'un texte oublié.